compris, la vie c'est pas simple. Quand y'a rien, bah tout qui te fâche. J'ai compris que les problèmes, bah ils viennent par 5. Et dans ces moments gros, y'a les gens qui se cachent. Que t'aimes ou non, à séparer. Moi j'ai pas le bras long, j'ai que mes raies. J'ai donné de l'amour à des fils de pute, mais c'est rien, ils paieront une fois au ciel. N'en est pas comme eux, c'est la baraka. N'en vise tellement haut qu'ils sont pas capables. À part faire les stars et les folles sur Snap. Pélo et Guéret, c'est la vie d'artiste. Le temps que j'ai perdu, il reviendra pas. L'avenir pour les petits, il est déjà raté. Au foot, t'étais neuf, tu grandis, t'as ton âge. Tout ça, la suite d'un plan, suffit juste d'appeler. La musique Pélo, ça dure juste un temps. Le boss à grand-mère, il faut bien niquer. De façon, tu connais, nous, y'a pas de chichi. Je prends des allumettes quand y'a pas de briquet. Un pétard, une canette, un trap-tache chez Banel. Si t'as pas fait ça gros, t'es pas de la cité. Un chargeur de barrette, de bécane qui t'arrête, ça peut t'enlever la vie, c'est plus compliqué. Dans le 6-9, gardez bien tes amis, c'est ta confiance en eux qui vont pas te niquer. Ouais, c'est pour de vrai. Quand ce salope de juge crie tout haut devant tout ce que t'es impliqué, comment expliquer? La police, on n'aime pas parce qu'ils nous font du mal au lieu de protéger. La sécurité, c'est le minimum à gauche pour les trafiquants, t'es faux, un PGP. Ouais, c'est pour de vrai. Moi, j'aimais leur faire du sale. Des poteaux, ils traitent le mal. Moi, j'aime pas trop ceux qui parlent. On récupère la boîte et puis on détaille. Ton point de vente est parental. Plus d'amour chez nous, entre parenthèses. Peu sincère et pas fiable. C'est devenu banal, tout ça dans la thèse. Moi, j'aimais leur faire du sale. Des poteaux, ils traitent le mal. Moi, j'aime pas trop ceux qui parlent. On récupère la boîte et puis on détaille. Ton point de vente est parental. Plus d'amour chez nous, entre parenthèses. C'est devenu banal tout ça dans la tête. C'est pas la mafia, chez moi c'est le chicoing, le mafé, les chicots éclatés. Je dévore la vie à vrai dire, la tour, l'appel de la quiche. L'amour c'est mort, prends la fuite. 9-3-2-7-0, 0 Brad Pitt. Que des salauds bien rapides, et puis de ma fenêtre. J'entends, ça tire dans la nuit. À skip, y'a plus de tapettes. C'est serpentard, des sorcières, des putains de vendeurs. Pas de chambre, pas de place au poster. 16 piges, on faisait les posters. 16 piges, on pouvait te pister. Pas d'imposteur, m'impose-toi, je vais tout changer. La folie conduit, elle est plus passagère. Moi je voulais tout leur prendre, j'ai rien demandé. Et puis quand j'ai cru en moi, j'ai doublé les montants. Et j'ai gardé ma mentale, ça me fait mal. Tu changes toutes les semaines, ça m'étonne comme manteau. Et ça c'est mon pétage, je peux t'allumer sans gants. Et je leur mets dans la cage. Ils sont tous dans l'abus, on la vie. Je suis le diable, je suis le gros, c'est les trois, c'est la ville. Je les ai tous vus donner le go. C'est des hommes ou des go, faut que je prie pour mes potes. Moi je vais leur faire du sale. Les poteaux des poteaux et toi le mal. Moi j'aime pas trop ceux qui parlent. On récupère la boîte et puis on détaille. Tout point de vente est parentable. Y'a plus d'amour chez nous entre parenthèses. Tout sincère et peu fiable. C'est devenu banal tout ça dans la tête. Moi je vais leur faire du sale. Les poteaux des poteaux ils souhaitent le mal. Moi j'aime pas trop ceux qui parlent. On récupère la boîte et puis on détaille. Tout point de vente est parentable. Plus d'amour chez nous entre parenthèses. Tout sincère et peu fiable. C'est devenu banal tout ça dans la tête. Snacker Beanmaker.